بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الإخوة on poursuit donc notre cours et on était au niveau de la zakat de l'or et de l'argent. Maintenant, on va donc voir la zakat de ce qui est leur équivalent. Parce que il y a aussi la zakat à payer sur tout ce qui est l'équivalent de l'or et de l'argent et qui prennent leur place comme devise. Comme par exemple les billets de banque et les crypto-monnaies. Avant donc, les moyens d'échange étaient l'or et l'argent. Comme on l'a vu, il y avait la pièce d'or, le dinar, dont il est dit qu'il est originaire de l'Empire byzantin. L'Empire byzantin qui est aussi appelé Empire romain d'Orient. Et les Arabes ont donc adopté cette monnaie et l'utilisaient dans leurs transactions commerciales. Et il y avait la pièce d'argent, le dirham, dont il est dit qu'il est d'origine perse. Donc le dirham, il est dit qu'il est d'origine perse. Et le dinar, il est dit qu'il est d'origine de l'Empire byzantin. Les Arabes ont donc adopté ces monnaies jusqu'à ce que arrive l'époque du tabi'i Abdelmalek ibn Marwan. C'est donc lors de son califat, lors du califat d'Abdelmalek ibn Marwan, qu'il a fait frapper le dinar et le dirham, qui sont devenus les références monétaires de l'Empire islamique. Sinon, l'utilisation des monnaies date d'avant l'islam, comme cela est prouvé par les versets du livre d'Allah Azza wa Jal. Comme par exemple sa parole dans Surat Al-Kahf. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. En traduction approximative du sens, envoyez donc l'un d'entre vous à la ville avec votre argent que voici, pour qu'il voie quel aliment est le plus pur et qu'il vous apporte de quoi vous nourrir. Donc, Shahid, la partie qui nous intéresse dans ce verset, donc, c'est sa parole. Biwalikum hadihi. Avec votre argent, que voici. Ça prouve donc que l'argent, la monnaie, était déjà quelque chose existant à cette époque-là. Et il y a aussi sa parole dans Surat Yusuf, qu'on a déjà eu à citer, lorsque Yusuf alayhi salam a été vendu à vil prix comme esclave par ses frères. قال الله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. En traduction approximative du sens, et ils l'ont vendu à vil prix pour quelques dirhams comptés. Et il y a aussi sa parole dans Surat Al-Imran concernant les gens du livre. قال الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بكنتار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. En traduction approximative du sens, et parmi les gens du livre, il y en a qui, si tu lui confies un kintar, il te le rend, mais il y en a aussi parmi eux certains que si tu lui confies un dinar, il ne te le rendra que si tu l'y contrains sans relâche. Ces preuves montrent donc que l'utilisation des monnaies date d'avant l'islam et qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient déjà connues. C'est pour cela que les savants donc sont catégoriques sur certains jugements comme Zakatul Fitr, comme dans Zakatul Fitr, où ils disent qu'il n'est pas permis de la donner en argent, car l'argent existait déjà. Et cela n'a été rapporté ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons, ni même des tabi'in, qu'ils aient donné la zakat ou le fitr en argent. Maintenant, par rapport à la zakat, concernant les monnaies de notre époque, les savants ont divergé. Est-ce que on se fixe sur le prix de l'or pour estimer le nissab de ces monnaies, ou bien on se base sur le prix, ou on se base sur le nissab de l'argent, On se base sur le prix du gramme d'argent. Certains ont opté pour l'or, argumentant que sa valeur est moins fluctuante. Le prix du gramme d'or est plus stable. Et aussi parce que l'or joue un rôle important dans le système monétaire, dans le système monétaire, dans les systèmes monétaires et bancaires. L'or joue un rôle important dans les systèmes monétaires et bancaires. Les banques centrales détiennent des réserves d'or pour garantir la valeur des monnaies. Et en se basant sur cet avis, donc, on se renseigne sur le cours du gramme d'or et on multiplie cela par 85 pour savoir quelle quantité d'argent de la monnaie locale doit être atteinte pour sortir la zakat. D'autres, par contre, ont opté pour estimer le nissab des billets de banque en se basant sur le prix donc du gramme d'argent, en se basant sur le nissab de l'argent et en se basant donc sur le prix du gramme d'argent. Donc, l'avis le plus juste sur cette question est qu'on revient aux objectifs de la législation. Donc, si on revient aux objectifs de la législation et qu'on regarde ces objectifs, la zakat a été instituée au profit des pauvres. La zakat a été instituée au profit des pauvres. Donc, on regarde ce qui est le plus profitable aux pauvres. Si la zakat sort plus, si la zakat sort plus en se basant sur le prix du gramme d'or, on se base sur le prix du gramme d'or. Et si la zakat sort plus en se basant sur le prix du gramme d'argent, on se base donc sur le prix du gramme d'argent. Mais de manière générale, il apparaît clair que quand on fait les calculs, la zakat sort plus lorsqu'on se base donc sur le nissab de l'argent. Et qu'on se base sur le prix du gramme d'argent. Donc prenons l'exemple en euros par exemple. J'ai regardé le prix du gramme d'or qui est à environ 103 euros, si je ne me trompe pas. Donc si tu multiplies 103 euros par 85 grammes, qui est le nissab de l'or, ça te donne un nissab qui atteint les 8 755 euros, 8 755 euros environ. Ça veut dire que il n'y a qu'une personne ayant 8 755 euros ou plus. Donc, ayant cela en sa possession pendant un an du calendrier islamique qui va sortir la zakat. Et dans ce cas, la personne va diviser ses 8 755 euros par 40 pour obtenir donc 219 euros environ, qui sera donc les 2,5% donc qu'il doit payer comme zakat. Et si on se base sur l'argent, j'ai vu que le prix du gramme d'argent en euros est d'environ 1,24 €. Donc si tu multiplies cela par le nissab de l'argent, par le nissab de l'argent qui est 585 grammes, ça donne 738 euros environ. Ça fait donc que c'est à partir de cette somme, 738 euros, que la zakat devient obligatoire et va sortir. Et sans aucun doute, donc, on s'aperçoit que se baser sur l'argent est plus profitable pour le pauvre, parce que le nombre de musulmans qui vont payer la zakat sera plus important et significatif. Et il y aura beaucoup, beaucoup de gens, donc, concernés et susceptibles de sortir la zakat. Donc, c'est clair qu'énormément de gens peuvent détenir 740 euros pendant un an hijri. Énormément de gens, contrairement à 8 755 euros. Donc, quand on se base sur l'argent, quand on se base sur l'argent, c'est beaucoup plus profitable. C'est beaucoup plus profitable pour le pauvre. Et en se basant sur l'or, donc, on exempte un nombre considérable de gens, un nombre considérable de gens du paiement de la zakat, en se basant sur le nisab de l'or. Donc, prenons les mêmes calculs, par exemple, en francs CFA. En francs CFA, le prix du gramme d'or, actuellement, chez nous, c'est aux alentours de 67 000 francs. Donc, quand on se base sur ça, on fait 67 000 fois 85, ça te donne donc un nissab qui monte à 5 695 000 francs CFA. Hein? Qui est donc de 695 000 francs CFA. Ça, c'est pour l'or 24 carats. On se base donc sur l'or pur qui est l'or 24 carats. Mais si on prend l'argent, le prix du gramme d'argent est aux alentours de 804 francs CFA. Donc tu fais 804 francs CFA fois 595 grammes qui est le nissab de l'argent. Ça te donne donc 478 380 francs CFA environ. Donc on voit aussi là que c'est beaucoup plus profitable pour les pauvres de se baser sur le nissab de l'argent. Parce que le nombre de personnes ici chez nous qui peut avoir 478 000 francs ou 479 000 francs dans son, dans sa possession en une durée du calendrier islamique d'un an, c'est beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui peuvent avoir 5 695 000 francs CFA, qui est le nissab de l'or. Donc, au vu de ces calculs, on se rend compte clairement que se baser sur le nissab de l'argent est bien plus profitable pour les pauvres et c'est largement mieux. C'est largement mieux car énormément de gens se retrouve à payer la zakat. Donc, optez pour le nissab qui est le plus profitable aux pauvres. C'est une fatwa de certains de nos savants. Parmi eux, la Lejna Daima, présidée par l'imam Ibn Baz. Parmi eux, la Lejna Daima, présidée par l'imam Ibn Baz, ils ont une fatwa allant dans ce sens que on choisit le nissab, on choisit le nissab qui est le plus profitable pour on choisit donc le on choisit donc entre les deux devises celle qui est la plus profitable pour les pauvres. On se base sur celle-là. Si c'est l'or, c'est l'or. Si c'est l'argent, c'est l'argent. Ça, c'est une fatwa donc de la Lejna Daima et d'autres parmi les gens de science. Et c'est ce qui est pratiqué en Arabie Saoudite. Et bien sûr, cet argent, bien sûr, là, dont on a fixé le nisab, qu'il soit en rial saoudien ou en dollars ou en euros ou en francs CFA, il faut qu'il ait fait un an du calendrier islamique en notre possession, sans descendre sous le nissab. Il faut qu'il ait fait un an du calendrier islamique, c'est une condition. Il faut qu'il ait fait un an du calendrier islamique, ce qu'on appelle el haoul, en notre possession, sans descendre. Donc, si on met le nissab, par exemple, à 738 euros, comme on l'a calculé, il faut que tu aies les 738 euros pendant un an du calendrier islamique. Si tu utilises, par exemple, 30 euros de cet argent À un moment donné, durant l'année, les décomptes s'arrêtent et tu n'as plus de zakat à payer sur cet argent. Tu reprendras éventuellement le décompte lorsque l'argent remonte au niveau du nisab. Si par exemple, c'est le 13e jour du mois de Muharram, par exemple, tu paieras donc la zakat le 13e jour du mois de Muharram de l'année suivante. Et comme on l'a vu, comme on l'a déjà vu précédemment, il est permis de payer la zakat avant que les 12 mois soient écoulés. C'est valide. Mais ce n'est qu'à condition d'avoir atteint un nisab. Si le nisab n'est pas atteint, ce n'est pas valide. Donc ce sera juste une sadaqa surérogatoire que tu auras fait. Et les savants ont expliqué que cette durée de 1 an est vraiment judicieuse parce que s'il fallait, par exemple, que la zakat se paye tous les 6 mois, ce serait compliqué pour les riches de le faire. Ce serait très compliqué pour les riches de sortir la zakat tous les 6 mois. Et si par exemple la durée était de 2 ans, par exemple, que el-hawl était de 2 ans, ça serait préjudiciable pour les pauvres. 1 an est donc le bon timing, la durée appropriée, qui ne porte préjudice ni aux riches ni aux pauvres. Donc c'est vraiment judicieux qu'Allah Azzawajal, hein, par sa sagesse infinie, ait donc donné cette période de 1 an. La zakat donc sort tous les 1 an. Maintenant, le cas de figure où tu as par exemple 60 grammes d'or à la maison et tu possèdes aussi des billets de banque qui font que si on prend la valeur de l'un ajoutée à la valeur de l'autre, tu atteins le nisab. Donc, dans ce cas de figure, tu dois ajouter la valeur de l'or à la valeur de. Tu dois ajouter la valeur de l'un à la valeur de l'autre. Donc, tu dois ajouter la valeur de l'un à la valeur de l'autre. Et si ça atteint le nisab et ça respecte la durée d'un an hijri, tu sors la zakat sur ça. Donc, si tu as 60 grammes d'or chez toi et que tu as de l'argent en billet de banque. Donc voilà, si en complétant l'un à l'autre, tu atteins un nisab, donc tu sors la zakat, tu sors la zakat sur ça. De même que tu as de l'argent de côté, par exemple, et ça n'atteint pas le nisab. Et tu as des biens commerciaux aussi qui n'atteignent pas le nisab. Tu dois ajouter la valeur de ton argent à la valeur des biens commerciaux. Si ça atteint le nisab, tu sors la zakat après le hawl, après la durée d'un an hijri. Donc, par exemple, admettons, tu as des biens immobiliers, et voilà, tu as de l'argent, mais qui n'atteint pas le nisab, mais tu as des biens immobiliers, aussi, peut-être aussi qui n'atteignent pas le nisab. Si, ou bien tu as de la marchandise dans ta boutique. Hein, tu as de la marchandise dans ta boutique et puis tu as de l'argent qui n'atteint pas le nisab, mais en ajoutant l'un à l'autre, tu atteins le nisab. Donc, tu fais l'ajout de l'un à l'autre et si tu as eu ça en ta possession pendant la durée d'un an, tu sors donc la zakat. Voilà, ça c'est donc l'avis le plus juste sur la question. Par contre, si tu as de l'argent, par exemple 500 grammes d'argent, et tu as de l'or 80 grammes. Donc on sait que le nisab de l'argent c'est 595 grammes, donc tu n'as pas atteint le nisab de l'argent. Et tu as l'or, c'est 80 grammes. Tu as l'or 80 grammes, et on sait que le nisab de l'or c'est 85 grammes. Donc, tu n'as ni le nissab de l'argent, tu es en dessous du nissab de l'argent et tu es en dessous du nissab de l'or. Donc, certains ont opté pour le fait que tu peux ajouter et compléter l'un par l'autre pour atteindre le nissab. C'est l'avis de la majorité des savants, les jumhur. Et ils ont pris comme argument donc la parole d'Allah Azzawajal, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Donc, en traduction approximative du sens, à ceux qui amassent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. Et leur argumentaire donc est que dans ce verset, Allah Azzawajal a cité l'or et l'argent et le fait de les amasser sans payer la zakat. Et il n'a pas distingué entre les deux. Donc, s'il voulait distinguer entre les deux, il aurait par exemple dit La yunfikunahuma. Et il ne dépense pas les deux dans le sentier d'Allah. Mais il a dit La yunfikunaha. Et il ne les dépense pas. Ce qui indique que les deux sont pareils. Et donc, celui qui a de l'or qui n'atteint pas le nisab et de l'argent qui n'atteint pas le nisab est quand même concerné par ce verset parce qu'il fait partie de ceux qui amassent l'or et l'argent. Il fait partie de ceux qui amassent l'or et l'argent. Et ils ont aussi dit que l'or et l'argent ont le même objectif et on s'en sert pour les transactions. Ça a le même objectif et ça a la même zakat. Ça a la même zakat qui est de 2,5%, les 1 quarantième. Donc, il est permis d'additionner les deux si ça n'atteint pas le nisab. En additionnant donc les deux, on obtient le nisab et on sort la zakat. Le deuxième avis, et c'est l'avis le plus juste pour moi, de ce que j'ai lu des arguments avancés par les savants sur ce sujet. Le deuxième avis, donc, c'est qu'on n'additionne pas l'argent et l'or pour atteindre le nisab. On n'additionne pas l'argent et l'or pour atteindre le nisab. L'or a son nisab, s'il n'est pas atteint, pas de zakat à payer, de même que l'argent a son nisab, s'il n'est pas atteint, pas de zakat à payer. Donc la personne qui aurait 80 grammes d'or et 500 grammes d'argent, il n'a rien à payer comme zakat, car l'or n'atteint pas le nisab de 85 grammes et l'argent n'atteint pas le nisab qui est de 595 grammes. Ça, c'est l'avis du madhab Shafi'i et c'est rapporté aussi de l'imam Ahmed. C'est l'avis de l'imam Shawkani aussi, qui est un savant yéménite de l'époque. Et donc c'est l'avis de l'imam Shawkani et c'est aussi l'avis de l'imam Shinkiti et de l'imam Ibn Taymiyyah. Il a opté, cher Ibn Taymiyyah, il a opté pour cet avis dans son commentaire d'El Kafi. Et il y dit que, par contre, si ce sont des fonds bancaires, là, c'est permis d'additionner leur valeur à la valeur de l'argent pour compléter le nisab. Donc, si c'est des fonds bancaires, si tu as de l'or 80 grammes et de l'argent en billets de banque, tu complètes l'un à l'autre pour atteindre le nisab. Si tu as de l'argent, 500 grammes d'argent, et puis tu as des billets de banque, aussi de l'argent de côté, donc tu complètes l'un à l'autre. Là, c'est permis. Comme argument appuyant cet avis, donc, il y a le hadith de Ali rapporté par Abu Daoud qu'on a cité précédemment, dans lequel il est dit وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 دِينَارٌ. Donc, dans ce hadith, donc, il est dit tu n'as rien à payer jusqu'à ce que tu atteignes 20 dinars. Et c'est aussi appuyé par le hadith du Tabi'i Muhammad ibn Abdurrahman al-Ansari qu'on a cité précédemment أن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 20 دينارا. Donc dans ce hadith, il est dit dans le livre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le livre de Omar sur la sadaqa, que l'or, on n'y prend rien, on n'y prélève rien, jusqu'à ce qu'il atteigne 20 dinars. Donc, celui qui fait payer la zakat à quelqu'un sur l'or qu'il possède et qui est de moins de 20 dinars, il contredit donc ses preuves claires. Et il contredit donc ses preuves claires. Et donc, si c'était permis de compléter le nisab avec l'argent, le prophète l'aurait clarifié, puisque Dans les mêmes preuves, il parle aussi du nisab de l'argent. Et il dit, par exemple, dans la suite du hadith que je viens de citer de Mohammed ibn Abdurrahman al-Ansari, il dit: والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 200 درهم. Et l'argent, on n'y prélève rien jusqu'à ce qu'il atteigne 200 dirhams. Donc c'était permis de compléter l'un à l'autre. Il aurait clarifié. Il aurait clarifié cela. Mais il dit bien que si on n'y prélève rien si ça n'atteint pas 200 dirhams. Donc prélever à quelqu'un de la zakat alors que ça n'a pas atteint les 200 dirhams, c'est contredire ses preuves claires. Et il y a aussi le hadith d'Abu Saïd, fi Sahihain, donc, qu'on a déjà eu à citer aussi. Laysa fi maduna khamsi awaqin sadaqa. Il n'y a pas de zakat en dessous de 5 awaq. Et on a vu que 5 awaq équivaut à 200 dirhams. Et il y a le hadith de Ali rapporté par Abu Daoud et Ahmed, qu'on a vu aussi. وليس في التسعين ومئة شيء فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم. Il n'y a rien à prélever à 190, mais si ça atteint 200, on y prélève 5 dirhams. Il n'y a rien à prélever à 190, mais si ça atteint 200, on y prélève 5 dirhams. Ces preuves sont suffisamment explicites donc et claires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bien qu'à 190 dirhams, il n'y a rien à payer jusqu'à ce que ça atteigne 200 dirhams. Là, si ça atteint 200 dirhams, là on prélève 5 dirhams. Donc s'il fallait compléter les 190 dirhams par autre chose, par quelque chose d'autre qu'on possède, comme de l'or par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait clarifié. Et pour répondre à l'argument selon lequel l'or et l'argent ont le même objectif et la même quantité de zakat à sortir qui est 2,5%, donc ce qui fait qu'ils sont pareils, donc les savants optant pour cet avis ils ont opposé à cet argument le hadith rapporté par le hadith rapporté par Ubada ibn Samit dans les Sahihain, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Dans ce hadith, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'or par l'or, l'argent par l'argent, le blé par le blé, l'orge par l'orge, les dattes par les dattes, le sel par le sel, même quantité, même genre, de main à main. Mais si les genres divergent, vendez comme vous voulez, tant que c'est de main à main. Ce hadith, donc, réglemente les échanges afin qu'il n'y ait pas de riba lors des transactions commerciales. Et c'est un argument donc qui répond à ce voyant que l'or et l'argent sont pareils, parce qu'ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a bien distingué entre l'or et l'argent lors des échanges. Ce qui démontre que même si ce sont des biens de la même catégorie et qu'ils ont le même objectif, ils ne sont pas du même genre. Car s'ils étaient du même genre, on n'aurait pas permis de vendre, par exemple, 10 grammes d'or contre... S'ils étaient du même genre, on n'aurait pas permis de vendre 10 grammes d'or contre 50 grammes d'argent. Pourtant, c'est permis. C'est permis de vendre 10 grammes d'or contre 50 grammes d'argent parce que ils ne sont pas du même genre. Donc, ce n'est que parce qu'ils ne sont pas du même genre que ceci est permis. De même que le blé et l'orge qui se ressemblent et qui ont le même objectif, Voilà, ils sont cités. Ce hadith prouve que ce sont des produits du même genre, mais même s'ils sont dans la même catégorie des produits alimentaires et qu'ils ont la même ce sont pas des produits du même genre, même s'ils sont dans la même catégorie des produits alimentaires et qu'ils ont la même finalité. Donc le blé et l'orge, ils se ressemblent, ils ont le même objectif, mais ce ne sont pas des produits du même genre. Ils sont de la même catégorie des produits alimentaires et ils ont la même finalité, mais ils ne sont pas du même genre. Ce sont des genres différents. Cela est valable aussi donc pour les monnaies et les billets. Ceci est valable donc aussi pour les monnaies et les billets de banque. Je vais essayer de clarifier ça ici parce que c'est une question qui peut poser problème à certains frères. Et c'est important pour nous tous de clarifier cela. Donc, les billets de banque, même s'ils se ressemblent et qu'ils ont le même objectif et la même zakat, chaque monnaie est un genre. Chaque monnaie est un genre. C'est pour cela qu'il n'est pas permis d'acheter la même monnaie avec une différence et un ajout. Du genre, tu me donnes 100 euros contre 110 euros. Mais si c'est euro contre dollar ou euro contre franc CFA, là c'est permis parce que ce sont deux monnaies de genre différent. Donc, ce sont deux monnaies différentes, le genre change. Donc là, c'est permis. Et cela est appuyé donc par le hadith d'Abu Saïd rapporté par Ibn Majah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La yaslahu sa tamrin bi sa'in, wa la dirham bi dirhamayn, wa dirham bi dirham, wa dinar bi dinar, la fadla baynahuma illa waznan. Dans ce hadith, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Il ne convient pas de vendre un sa de dattes contre deux sa, ni un dirham contre deux dirhams, le dirham contre le dirham et le dinar contre le dinar, sans ajout, sans surplus entre les deux, sauf dans le poids. Le hadith est authentifié par l'imam al-Albani dans Sahih Ibn Majah. Maintenant, donc, je vais citer les paroles de savants allant dans ce sens. L'imam Ibn Baz, rahimahullah, dans ses Fatawa, volume 19, page 171, il dit ceci. Il dit donc, cher Ibn Baz, rahimahullah, Al-mu'amalatu bil-bi'i wa shira bil-umal ja'iza, lakin bi-shart al-taqabud yadan bi-yad, idha kanat al-umal mukhtalifa. فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرها يدا بيد فلا بأس كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يدا بيد فيقبض منه ويقبضه في المجلس أو اشترى عملة لي أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يدا بيد فلا بأس أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز وهكذا إذا لم يحصل التقابل في المجلس فلا يجوز لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعا من المعاملات الربوية فلا بد من التقابض في المجلس يدا بيد إذا كانت العمل مختلفة أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين التماثل والتقابض في المجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة وذكر الحديث. Donc, cher Ibn Baz, dans cette fatwa, donc, il dit la transaction de vendre ou acheter une monnaie est permise, mais seulement à condition que l'échange se fasse de main à main, si les monnaies sont différentes. Donc, s'il vend la monnaie libyenne en échange de la monnaie américaine ou égyptienne ou une autre que ces deux de main à main, il n'y a pas de mal à cela. Comme le fait d'acheter des dollars en échange de la monnaie libyenne de main à main. On prend de lui et lui-même, il prend dans la même assise. ou alors il achète la monnaie égyptienne ou anglaise ou d'autres en échange de la monnaie libyenne ou d'autres de main à main. Il n'y a pas de mal à cela. Mais si c'est par paiement différé, ce n'est pas permis. Et aussi, s'il n'y a pas d'échange dans la même assise, ce n'est pas permis. Car si cela est le cas, cela sera considéré comme une forme de transaction usuraire. Il faut donc absolument l'échange dans la même assise, de main à main, si les monnaies sont différentes. Mais si c'est la même monnaie, il faut réunir deux conditions, la même quantité et l'échange dans une même assise, comme le prouve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'or contre l'or et l'argent contre l'argent. Et il cita le hadith. Et il y a une fatwa de la Lejna des Imams aussi, avec Cheikh Abdelrazak Afifi et d'autres, présidé par l'imam Ibn Baz, allant dans le même sens. Allant dans le même sens donc que cette fatwa de Cheikh Ibn Baz, qui est donc claire concernant cela. Et Al-Allamat Al-Fawzan, il dit aussi dans son commentaire de Bulugh Al-Maram, volume 6, page 176, il dit ceci. وعلى هذا فيجري الربا في كل ما اتخذه الناس عملة وراج رواج النقدين مثل الأوراق النقدية الآن وعلى هذا فلا يجوز بيع 15 ريالا سعوديا ورقا ب16 ريالا سعوديا ورقة ويجوز بيع بعضها ببعض من غير جنسها إذا كان يدا بيد كما لو باع ورق النقد السعودي بليرة سورية أو لبنانية مثلا لأن العملات الورقية أجناس متعددة بتعدد جهات إصدارها فالورق النقدي السعودي مثلا جنس والكويتي جنس وهكذا ويكون حكمها حكم الذهب والفضة في جواز بيع بعضها ببعض من غير جنسها مطلقا إذا كان يدا بيد. دونك شيخ الفوزان Hafidhahullah, il dit donc, l'usure a donc cours dans tout ce que les gens prennent comme monnaie d'échange et qui est utilisé comme les deux devises, c'est-à-dire l'or et l'argent, comme par exemple les billets de banque aujourd'hui. C'est pour cela qu'il n'est donc pas permis de vendre 15 rials saoudiens pour 16 rials saoudiens. Mais il est permis de vendre les monnaies de genres différents, si c'est de main à main, comme le fait de vendre la monnaie saoudienne en échange de la livre syrienne ou libanaise, par exemple. Ceci car les monnaies ont de nombreux genres à cause de la multitude de leurs organismes émetteurs. Donc la monnaie saoudienne, par exemple, est un genre, et la koweïtienne est un genre, et ainsi de suite. Et leur jugement est le jugement de l'or et de l'argent dans leur permission de vendre celles qui sont de genres différents, si c'est de main à main. Fin de citation. Donc, la parole de Cheikh Al-Fawzan ici indique, et c'est cela l'avis le plus juste sur la question, sa parole indique que ce qui détermine la monnaie, ce qui détermine le genre de la monnaie, c'est l'organisme émetteur. Ce qui détermine le genre de la monnaie, c'est l'organisme émetteur. Et souvent, ce sont les banques centrales des pays. Et il découle donc de ce jugement que les monnaies qui sont émises par la même banque centrale sont du même genre. Et donc, dans ce cas, il n'est pas permis de les vendre et de les acheter avec un surplus. Et le cas de figure peut arriver avec les anciennes et les nouvelles monnaies de la même banque centrale, par exemple. Comme c'est le cas ici chez nous, au Cameroun, où il y a des gens qui vendent des anciens billets de francs CFA. Et ça a une grande valeur aujourd'hui. les anciens biais qui datent d'il y a 40, 50 ans. Voilà, ce sont des biais qui ne sont plus en circulation et qui ont une grande valeur. On peut les échanger seulement en les ramenant à la banque centrale. Et donc, il y a encore des gens qui possèdent ces argents-là, ce genre de sommes-là, et des anciens billets, et donc qui les revendent. Par exemple, on peut te vendre 500 000 francs CFA des anciens billets contre 1 million, contre 1 million des billets actuels. Et donc, à la lumière des arguments évoqués précédemment, indiquant donc que le genre de la monnaie est déterminé par l'organisme émetteur. Donc, quand l'organisme émetteur est différent, la monnaie est donc différente. Le genre de la monnaie est donc différente et donc c'est permis d'échanger avec surplus. Mais si l'organisme émetteur est le même, ça veut dire que la monnaie est du même genre, même si ce sont pas les, même si les billets sont de couleurs différentes, c'est ça, une forme différente. Donc, au vu de ces arguments, donc, ce type de transaction-là, de vendre par exemple des anciens billets de 500 000 francs des anciens billets de francs CFA contre 1 million des nouveaux billets de francs CFA, c'est interdit. C'est interdit parce que c'est comme ça, le même organisme émetteur, donc il a là-dedans ça, il y a donc le riba. Il faudrait donc que ça soit la même quantité. Tu dois donc échanger 500 000 francs de ces anciens billets contre 500 000 francs des nouveaux billets, des billets actuels, pour qu'il n'y ait pas riba. Donc, c'est important de savoir ces règles-là pour éviter de tomber dans des transactions usuraires. Donc, ce type de transaction est interdite car c'est une transaction usuraire, car ces deux produits sont du même genre. Et donc, dans ce cas-là, il faut réunir deux conditions dans la transaction: que la quantité soit identique et que l'échange se fasse main à main avant séparation. Donc, 500 000 francs de cette monnaie contre 500 000 francs de la monnaie actuelle, et l'échange doit se faire main à main avant séparation. Donc, maintenant, la manière de procéder qui est légiférée dans ce cas, par exemple. Lorsque tu veux profiter de la différence entre les deux monnaies, c'est que par exemple tu achètes d'abord avec les francs CFA récents, tu achètes des dollars. Donc avec des francs CFA actuels, tu achètes des dollars chez quelqu'un. Ensuite, maintenant avec les dollars, tu vas maintenant acheter les anciens francs CFA. Tu vas maintenant acheter les anciens francs CFA. Et puis, tu revends ces anciens francs CFA en dollars ou en euros ou en une autre monnaie. Tu revends ces anciens francs CFA en dollars, en euros ou en une autre monnaie. Et après, tu refais encore l'échange chez quelqu'un d'autre pour donc avoir la différence, profiter de la différence que ça te fait, profiter de la différence du surplus que tu auras. Mais tout ceci doit être donc des transactions bien distinctes, bien différentes, et accomplies avec des personnes différentes. Et c'est mieux de le faire donc avec des personnes différentes pour bien manquer la différence, pour bien marquer la différence des transactions. Mais le faire par exemple dans un même bureau de change, dans la même assise, avec la même personne, les gens de science ont considéré que c'est un subterfuge pour se rendre licite. Ce cas-là a interdit, et ils ont comparé cela donc à la personne qui charge quelqu'un d'épouser son ex-femme qu'il a divorcé 3 fois pour que celui-ci la divorce ensuite afin de la lui rendre licite. Parce que quelqu'un qui a divorcé sa femme 3 fois, il ne peut plus, elle n'est plus licite pour lui, sauf si elle se remarie et que après s'être remariée, elle soit encore divorcée. Là, il lui est permis de la reprendre. Là, il lui est permis de la remarier à nouveau. Donc, c'est un subterfuge que certains font, que voilà, comme il a envie de reprendre sa femme, il a divorcé 3 fois, mais il a envie de reprendre sa femme, il va envoyer quelqu'un à épouser sa femme et puis la divorcer pour se la rendre licite. C'est un subterfuge interdit en islam. Donc les gens de science ont expliqué la différence entre les deux situations. Donc le fait que tu procèdes comme ça, comme je l'ai indiqué là, de faire le change de cette manière-là avec des personnes différentes. Les gens de science ont expliqué la différence entre les deux situations. Parmi eux, l'imam Ibn Qayyim, dans son livre I'lam al-Muqeen. Parce que quelqu'un pourrait penser que ça revient au même. Ça revient au même de faire les transactions avec la même personne dans une même assise ou faire des transactions différentes. En fait, la différence, elle réside dans le fait que si tu fais toutes ces transactions dans le même bureau de change avec la même personne qui forcément va connaître l'objectif pour lequel tu les fais, quand tu vas changer par exemple les CFA en dollars, tes CFA en dollars, tu n'auras que faire des dollars qu'ils te donnent. Si c'est des faux dollars ou si c'est, tu n'auras que faire de la qualité. Tu vas pas vérifier ces billets-là, puisque c'est pas ton objectif. Et lui, il le sait. Donc c'est une fausse transaction. C'est une fausse transaction, juste pour pouvoir gagner sur l'ancienne monnaie et se rendre licite ce riba qui est interdit. Donc de la même manière que celui qui épouse ta femme pour te la rendre licite, c'est un faux mariage, puisqu'il n'a pas, il n'a pas vraiment, il n'a pas réellement envie d'épouser cette femme-là. C'est un faux mariage juste pour te la rendre licite. Donc c'est en cela que cela ressemble à ça. Donc, c'est quelqu'un... Ça, c'est juste un subterfuge qui a été insufflé par Iblis. Par contre, si tu fais les transactions avec des gens différents, dans ce cas-là, ça sera différent parce que tu seras vraiment dans le besoin des dollars, par exemple. Tu vas aller changer tes francs CFA en dollars, tu seras vraiment dans le besoin des dollars. Et donc, tu seras regardant sur la qualité des billets qu'on va te donner et tout ça, tu seras regardant si c'est des faux dollars ou c'est des vrais dollars, tu seras regardant. Et ça sera une vraie transaction. De même que celui à qui tu fournis l'autre monnaie, lui aussi, il sera regardant. Et donc, ça sera une vraie transaction. Hein? Et peu importe si ton objectif au final c'est le même, mais voilà la différence. La différence est que dans un des cas, tu fais une vraie transaction, alors que si tu vas faire avec la même personne, il va te changer les dollars. Alors ce sera une fausse transaction parce que il sait quel est ton objectif, donc ça sera une fausse transaction. Et la différence, elle est importante. Parce que d'un côté, c'est permis de le faire. Et il y a des hadiths là qui le montrent. Il y a des hadiths là, ou des hadiths qui prouvent cela. Donc c'est permis de le faire de cette manière, de faire le change avec différentes personnes. Tu fais tes transactions normalement. Tu fais des vraies transactions normalement. Comme je l'ai dit, tu vas, tu changes tes CFA en dollars. On te donne des dollars. Après, tu vas chez quelqu'un d'autre. Donc, tu achètes la monnaie, l'ancienne monnaie avec des dollars. Tu fais une autre transaction. Après, maintenant, tu viens encore faire une autre transaction pour... Mais ce sont des vraies transactions. C'est pas juste du simulacre. C'est pas juste des transactions simulées parce que tu veux arriver à ton objectif. Donc là, d'un côté, c'est licite et de l'autre côté, ce n'est pas permis. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur ce type de transaction. Précision importante aussi, c'est que les savants ont divisé les six genres de produits, les six genres de produits concernés par l'usure, qui sont cités dans le hadith de Ubadah ibn Samit, en deux catégories. Les six genres sont l'or, l'argent, le blé, l'orge, les dattes et le sel. Dans la première catégorie, ils ont donc mis l'or et l'argent. Ils ont mis l'or et l'argent dans la première catégorie parce que ils se rejoignent sur le fait qu'ils ont un motif commun d'interdiction. En fait, ils ont un motif commun qui en font des gens concernés par l'usure. Ce motif, c'est que ce sont deux produits qui sont des devises Et c'est par eux qu'on connaît la valeur des choses. C'est pour cela donc que les monnaies suivent le même jugement qu'eux. Et deuxième catégorie, donc de produits, les produits alimentaires qu'on pèse. Les produits alimentaires qu'on pèse, comme le sel, les dattes, le blé et l'orge. Donc ça, c'est la deuxième catégorie, c'est les produits alimentaires qu'on pèse. Et ils ont comme motif commun le fait qu'ils soient donc des produits qu'on pèse et qu'ils soient des produits alimentaires. C'est ça le motif, c'est ça le facteur commun qui en fait des produits concernés par l'usure. C'est ça le facteur commun. Le motif qui en fait donc des produits concernés par l'usure. Et donc tous les produits alimentaires qui se pèsent donc sont concernés au même titre que cela. Tous les produits alimentaires qui se pèsent donc rentrent dans la même catégorie. Donc les produits qui sont cités dans le hadith, ça ne veut pas dire que c'est seulement ces produits-là qui sont concernés. Donc tu peux ajouter tous les produits alimentaires qui se pèsent. Ils auront le même jugement que le sel, les dattes, le blé et l'orge. Mais il faut réunir donc ces deux conditions, que ce soit un produit alimentaire, par exemple le fer, par exemple, ça se vend au kilo, ça se pèse. L'ébène aussi qui est un bois, l'ébène c'est un bois qui se vend au kilo, ça se pèse. Mais comme ce ne sont pas les produits alimentaires, donc ils ne sont pas concernés. Il faut que ça soit donc les deux conditions soient réunies. Que ce soit un produit alimentaire et qu'il se vende au kilo, qu'il se pèse. De même qu'il y a des produits alimentaires qui ne se vendent pas au kilo, qui ne se pèsent pas. Ceux-là, non, ceux-là donc, ils ne sont pas concernés non plus. Donc les produits qui sont de même catégorie comme l'or et l'argent, par exemple, mais qui sont de différents genres, c'est permis de les acheter et de les vendre avec un surplus. Tu peux acheter 5 grammes d'or contre 35 grammes d'argent, mais à condition que l'échange se fasse de main à main dans la même assise. Et pas de paiement différé pour l'une des parties. Quand c'est le même genre, c'est comme ça. Quand c'est des genres différents plutôt, c'est comme ça. Mais quand c'est le même genre, or contre or par exemple, il faut ajouter une autre condition qui est que ça doit être la même quantité. Si c'est or contre or ou argent contre argent, donc là, tu es obligé de vendre 5 grammes d'or contre 5 grammes d'or ou 5 grammes d'argent contre 5 grammes d'argent. Le surplus n'est pas permis. Quand c'est le même genre, quand c'est des genres différents, donc c'est permis. Et ceci, donc, peu importe la qualité de la marchandise. Mais pour l'or, par contre, j'avais dit à des frères que l'or, par exemple, tu pouvais acheter le 24 carats. Tu pourras acheter le 24 carats contre le 21 carats tant que c'est la même quantité. Et ça, c'est l'avis du madhab Hanafi. Et Cheikh Al-Islam a un avis proche de celui-là, comme l'a rapporté Cheikh Al-Fawzan dans son commentaire de Boulour. Et il considère donc que tant que la quantité d'or pur est supérieure aux éléments ajoutés, c'est bon. Donc il considère que tant que la quantité d'or pur qu'il y a est supérieur aux éléments ajoutés. Donc, tant que c'est 60% ou 70% d'or pur, hein, ou plus, donc c'est permis. Mais que si la quantité de d'or est égale, par exemple, si c'est 50-50, là, c'est pas permis. Ou si c'est moins, ça, c'est pas permis. Mais l'avis le plus juste, wallah alam, est que ce n'est pas permis jusqu'à ce que tu saches la quantité d'or pur qu'il y a dans le 21 carats ou le 18 carats et que cette quantité soit la même équivalente que le 24 carats que tu veux échanger. Et on sait donc que plus le nombre de carats baisse, plus ça veut dire que la quantité des éléments qu'on a mélangés à l'or pur est importante. Et il faut donc faire fondre cet or pour séparer l'or pur des éléments ajoutés pour connaître exactement la quantité d'or pur. Ça, c'est donc ce qui est valable pour l'or et l'argent. Ça, c'est ce qui est valable pour l'or et l'argent. Mais sinon, de manière générale, la qualité n'est pas importante dans les échanges de produits sujets à l'usure. Dans le sens où ça n'affecte en rien le jugement et ça ne change rien au jugement. Si tu échanges par exemple du riz, peu importe que ce riz soit du riz basmati qualité supérieure, contre un riz de moins bonne qualité, ça n'affecte en rien le jugement. Le jugement est le même. Le jugement reste le même. Et l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah, dans son livre Al-Mughni, dans le volume 8, page 2, il dit ceci: Al-jayyid wal-radi, wal-tibr wal-madroub, wal-sahih wal-maksour, sawa'un fi jawaz al-bi' ma'a al-tamathul, fi jawaz al-bi' ma'a al-tamathul, wa tahrimihi ma'a al-tafadul. Donc il dit, l'imam Ibn Qudama, la bonne et la mauvaise qualité, le brut et le raffiné, l'intact et l'endommagé sont pareils dans la permission de les vendre à quantité équivalente et dans l'interdiction de les vendre à quantité différente, avec surplus ou ajout. Donc, ceci démontre donc que ceci démontre donc que la qualité n'affecte pas le jugement. La qualité n'affecte pas le jugement. Que ça soit une bonne qualité, une mauvaise qualité, ça n'affecte pas le jugement tant que l'équivalence dans la quantité est respectée. Ou que le fait que l'échange se fasse main à main soit respecté. Donc, quand c'est les mêmes produits, la quantité, peu importe la qualité plutôt, la qualité ne joue pas, la qualité n'affecte en rien le jugement. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt en fait, il n'y a pas aussi d'intérêt, c'est vrai. Parce que l'intérêt, ce serait, comme ça a été rapporté dans les hadiths, l'intérêt, ce serait de vendre. Par exemple, 10 kilos de riz de moins bonne qualité contre 2 kilos, 3 kilos de riz de bonne qualité. Ce serait ça l'intérêt pour les gens. Mais justement, ceci a été interdit. Ceci a été interdit. Et donc, même si les qualités plutôt, même si les qualités diffèrent, ça doit être la même quantité. Le jugement reste le même. Ça doit être la même quantité. Donc, tu dois vendre 5 kilos contre 5 kilos. Ça ne doit pas être des quantités différentes. Et il y a des hadiths qui ont été rapportés sur ce jugement-là. Mais j'ai voulu ici seulement préciser un peu le J'ai voulu un peu préciser, m'attarder sur cette question parce que la question du change peut poser un problème à certains frères. Il était important de préciser donc ces jugements-là et de citer ces paroles de savants pour montrer donc que quand les monnaies se ressemblent, quand les monnaies sont émises par la même banque, la même banque centrale, donc elles sont du même genre. Mais quand elles sont émises par des banques centrales différentes, généralement donc chaque pays a sa banque centrale, dont les monnaies de différents pays, c'est des différents genres. Mais la monnaie émise par la même banque centrale, c'est donc le même genre. C'était important de préciser, de citer tous ces arguments, toutes ces paroles des savants-là et ces arguments-là pour bien comprendre, ce sujet-là. Parce que ça peut poser problème. Et tout ceci donc pour en revenir donc à ce qu'on disait que l'or et l'argent, même si ils ont les mêmes objectifs et la même finalité, c'est pas la même chose. De même qu'on a vu avec les billets de banque, donc même si ils ont les mêmes objectifs, la même finalité, la même zakat, ils sont donc des genres différents. Et je disais donc que l'or et l'argent sont une catégorie. Et les produits alimentaires qui se pèsent sont une autre catégorie. Et entre les deux catégories différentes, c'est permis de vendre comme on veut, même avec paiement différé. Donc c'est permis par exemple de vendre de l'or contre du riz en mettant la quantité qu'on veut et à crédit par exemple. Par exemple, tu peux vendre 10 kilos de riz contre 5 grammes d'or et la personne prend le riz et il va payer après un mois par exemple. Parce que ceux-ci sont des produits de catégories différentes. C'est pour ça que je citais les catégories parce que c'est important. Donc, quand les produits sont de catégories différentes, par exemple, comme le blé, le riz et l'or, hein, comme par exemple le blé et l'or, le riz et l'or, c'est deux catégories différentes. Parce qu'on a vu que l'or et l'argent, c'est une catégorie, et les produits alimentaires qui se pèsent, c'est une autre catégorie. Donc, entre les deux catégories, quand c'est des catégories différentes, là, on peut vendre comme on veut. Tu vends comme tu veux, tu as le surplus. La quantité, peu importe, tu peux vendre dans la même, faire la transaction dans la même assise ou bien par paiement différé, c'est pas un problème parce que c'est des catégories différentes. Et c'est ça la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qu'on a cité précédemment. Fa asnaf kama shi'tum. Donc, si les catégories diffèrent, ouais, vendez comme vous voulez. Et donc, quand c'est la même catégorie, mais des genres différents, il y a une condition. Comme par exemple entre l'or et l'argent. Quand c'est la même catégorie, il y a une condition que l'échange se fasse de main en main. Donc, tu peux vendre donc. L'or contre l'argent avec des quantités différentes, mais à condition que l'échange se fasse main à main. Par exemple, aussi le riz contre, puisque le riz et la farine, par exemple, de blé, c'est la même catégorie, mais c'est des gens différents. Par exemple, tu peux vendre 3 kilos de riz contre 6 kilos de farine de blé. C'est pas un problème parce que c'est la même catégorie, c'est des gens différents. Donc, tu peux vendre avec une quantité différente, avec surplus, avec ajout, mais à condition que l'échange se fasse de main en main dans la même assise. Mais si c'est la même catégorie et le même genre, par exemple riz contre riz, là c'est deux conditions. Là c'est deux conditions, at-tamathul wa at-taqabud. Donc, que le vendre la même quantité, le même poids et que l'échange se fasse main à main dans la même assise. Et Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, il dit dans son commentaire de Boulour, volume 6, page 174, فَإِنْ بِيعَ الرِّبَوِي بِغَيْرِ جِنْسِهِ مِمَّا لَا يُسَوِيهِ فِي الْعِلَّةِ كَبِيعَ بُرٍ بِذَهَبٍ أَوْ شَعِيرٍ بِفِدَّةٍ صح البيع مطلقا بدون شرط التساوي والتقابض. Donc, cher Al-Fawzan, ici il dit, si on vend un produit sujet à usure par un autre qui n'est pas de même genre que lui et qui n'a pas le même motif d'interdiction, comme vendre du blé pour de l'or ou de l'orge pour de l'argent, la transaction est entièrement valide sans être conditionnée par l'équivalence de quantité et l'échange main à main. Donc, quand on vend des produits de différentes catégories, hein, donc, là, il n'y a pas de condition d'équivalence de quantité ou d'échange main à main. Là, on vend comme on veut, que ça soit à crédit ou pas à crédit, peu importe. Là, la transaction est permise et il n'y a plus ces conditions. La transaction est permise de manière absolue et il n'y a plus donc ces conditions à réunir. Il n'y a plus ces conditions à réunir. Donc voilà ce que on pouvait dire sur le sujet. Donc je me suis arrêté un peu sur cette affaire de change de monnaie et de transactions de change pour bien clarifier la situation et donc Inch'Allah, lors du prochain cours, on va poursuivre avec les autres d'autres éléments concernant la zakat. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.